Fragment sonore numéro 9, 2. Bonsoir. Oh, bureau. Allez, la salle à faire des interviews. Allez, je vais la carrière de Denis. La carrière de Denis, il est appelez-le.